Les rues de Paris par Bathilde Bougnol. Lue par Christiane Johan. Lamartine. Note. Alphonse de Lamartine, né à Milly en 1790, mort à Paris le 28 février 1869. Fin de la note. Il est des erreurs tellement évidentes, des jugements si manifestement empreints de passion, qu'ils ne trompent que ceux qui veulent être trompés. Le danger n'est point là. Craignez beaucoup plus ces sophismes déguisés, avec tant d'art, et parés de tant de séductions qu'il devient presque impossible de s'en défendre. Par malheur, ce danger se cache souvent dans la parole et les écrits des hommes supérieurs, comme sous les fleurs parfumées, le poison qui donne la mort. Comme ces hommes sont doués d'une sensibilité exquise, les impressions qu'ils reçoivent, vives, profondes, passionnées, décident d'une manière souveraine de la direction de leurs idées et de leurs opinions. Leur intelligence pénétrante trouve facilement des raisons à l'appui de la cause qu'ils ont adoptée. Ils fascinent le vulgaire et le mènent à leur gré. Peut-être ne faut-il point chercher ailleurs la cause de l'inconsistance que l'on a si souvent remarquée chez des hommes d'un esprit supérieur. Ils adorent aujourd'hui ce qu'ils brûleront demain. L'erreur qu'ils condamnent maintenant, ils la défendent hier comme un dogme sacré. Dans le même ouvrage, ils associent les propositions les plus heurtées ou posent des conclusions inconciliables avec les principes établis. N'imputez point à leur intention ces étranges anomalies. Ils ont soutenu le pour et le contre avec la même conviction, et cette conviction, ils la puisaient dans l'exaltation d'un sentiment. Lorsque leur génie se déployait en images, en pensées pleines de grandeur et d'éclat, il était à son insu l'esclave du cœur. Esclave habile, ingénieux, et produisant aux caprices du maître des œuvres exquises, des merveilles de l'art. Les poètes, les vrais poètes, c'est-à-dire ces hommes doués par le Créateur d'une intelligence élevée, d'une imagination puissante, d'une âme de feu, sont surtout exposés à se laisser emporter ainsi aux impressions du moment. Ils planent quelquefois dans les plus sublimes régions de la pensée. Disons même qu'il ne leur est pas impossible de modérer leur vol et de juger avec prudence et discernement. Mais on ne saurait le nier. La réflexion, une grande force de volonté, leur sont plus nécessaires qu'au reste des hommes. La première fois que je lus, il y a quelques années déjà, dans l'excellent ouvrage de Balmès, El Criterio, très bien traduit par M. E. Manek, ce remarquable passage, il me frappa comme une révélation. Je m'expliquais mieux alors, chez des écrivains illustres, des contradictions qui plus d'une fois m'avaient étonné, indigné, et me les avaient fait juger avec une sévérité, non pas sans doute injuste, mais qui, quant aux intentions du moins, ne faisait pas assez la part du tempérament et des circonstances. Ainsi m'était-il arrivé avec Lamartine dans une étude publiée de son vivant, et qui, sans nier le génie, ne mettait point peut-être assez de mesure dans le blâme, pénétré que j'étais de cette autre et si juste pensée de Balmès, exprimée dans le chapitre 11 du livre 19. Il est pour la peinture, la sculpture, la musique, la poésie, pour toutes les branches de la littérature et de l'art, en un mot, des devoirs sacrés trop souvent méconnus, la vérité et le bien, la vérité pour l'esprit, le bien pour le cœur. Voilà les deux objets essentiels de l'art. Voilà l'idéal que les arts doivent offrir à l'homme au moyen des impressions qu'ils éveillent. S'ils oublient leur mission, s'ils ne proposent que le plaisir, ils deviennent pour l'esprit du mal une œuvre dangereuse. Les artistes, les poètes, les orateurs, les écrivains, qui détournent de leur fin les dons qu'ils ont reçus, sont de véritables pestes publiques. Phares trompeurs, allumés sur l'écueil, ils égarent ceux qu'ils avaient mission d'éclairer, ils devaient montrer le port, ils mènent à l'abîme. À ces éloquentes paroles d'une vérité incontestable, on ne peut qu'applaudir, certes, et il est regrettable que le grand poète ne les ait pas eues présentes à l'esprit plus d'une fois quand il prenait la plume. Son œuvre, assurément, n'offrait pas un si incroyable mélange de bien et de mal, il ne le verrait point si souvent flottant à tout vent de doctrine, tour à tour et dans le même volume, peut-être dans la même pièce ou le même chapitre, croyant et sceptique, royaliste et républicain, glorifiant la chasteté et la volupté, tantôt dans le ciel, tantôt au plus profond des abîmes. Maintenant, fut-il toujours aussi coupable qu'il semble au premier coup d'œil? De ses égarements avait-il pleine conscience, et n'était-il pas le plus souvent le jouet de ses impressions et hallucinations du moment? J'incline à le croire surtout depuis que j'ai lu et médité l'admirable page de Balmès, plus haut citée, et qui me fait penser à l'auteur des Méditations et des Harmonies tout d'abord. Aussi j'aurai maintenant à écrire mon étude sur Lamartine, je modifierai sans nul doute plusieurs de mes jugements un peu pour le fond et beaucoup pour la forme, alors surtout que la tombe s'est fermée sur le poète après une mort qui, comme celle de sa sainte mère et de sa pieuse femme, fut chrétienne. Si l'on ne doit au défunt que la vérité, quand cette vérité s'adresse à un mort de la veille et qui a laissé des œuvres regrettables sans doute, mais aussi tant de pages irréprochables et qui seront éternellement belles, il faut la dire, cette vérité, avec tous les égards dus à une illustre mémoire et dans un langage où l'impartiale sincérité n'exclut pas la sympathie. Ce respect qu'inspire une tombe glorieuse, ouverte récemment, ne peut d'ailleurs nous condamner au mutisme, et par la nécessité de ne pas dissimuler les écarts d'un grand et rare génie, nous empêcher de lui faire honneur, alors surtout que son nom vient tout naturellement se placer sous la plume. Lamartine, pour qui maintenant a commencé la postérité, en tant que poète lyrique, est l'un des premiers, le premier peut-être, près de lui Jean-Baptiste Rousseau, trop vanté, paraît à peine un écolier. Quel souffle puissant, quelle inspiration sublime dans certaines pièces des méditations, des harmonies, et même des recueillements. Il suffit de citer l'homme où se lit ce magnifique vers dont Lamartine n'a pas assez gardé souvenir. C'est pour la vérité que Dieu fit le génie. Et les superbes pièces, l'immortalité, Dieu, la prière, les étoiles, bénédiction de Dieu dans la solitude, l'infini dans les cieux, Bonaparte, etc. Autant de chefs-d'œuvre qui, par la splendeur de la forme, la sublimité des idées, ce flot de poésie nouvelle, jaillissant comme d'une source intarissable, seront à toujours des modèles faits pour provoquer l'admiration et l'enthousiasme. Pourquoi faut-il qu'à côté de ces merveilleux poèmes, à quelques pages de distance, parfois au verso même, on en lise d'autres d'un accent si différent ? Par exemple, cette inconcevable, cette inexcusable pièce du désespoir, éclatant comme l'hymne du doute et avec de si horribles blasphèmes assez froidement réfuté dans la pièce qui suit, « La Providence à l'homme », écrite, si l'on en croit certains commentaires, moins par conviction que par condescendance pour la mère du poète. On a peine à comprendre cette frénésie de scepticisme, ce cri, ou plutôt ce hurlement, de colère impie, de la part du poète, comblé de toute manière par la Providence et qui a écrit les autres pièces, la plupart si vraiment belles et pieuses, surtout ce poème de la mort de Socrate, irréprochable pour le fond comme pour la forme. Jamais la haute spiritualité n'a parlé une langue plus harmonieuse et plus pure. Malheureusement, le doute, tantôt dissimulé et discret, tantôt hautain et violent, reparaîtra dans plusieurs pièces, et en particulier dans le volume des recueillements, où le poète affecte des allures philosophiques qui ne sont point au profit de son inspiration. Témoin la pièce de M. de Génonde sur son ordination, pièce d'ailleurs presque médiocre et où manque le souffle. Dans l'ode à M. Bouchard, intitulée « Utopie », plus accentuée encore comme pensée, on lit entre autres choses « L'homme adore et croit en esprit, minarets, pagodes et dômes sont écroulés sur leurs fantômes, et l'homme de ses dieux vainqueurs, sur tous ses temples en poussière, n'a ramassé que la prière pour la transvaser dans son cœur. » Un seul culte enchaîne le monde qui vivifie un seul amour. Son dogme, où la lumière abonde, n'est qu'un évangile au grand jour. Sa foi, sans ombre et sans emblème, c'est le verbe pur du calvaire. Non tel qu'en terrestres accents l'écho lointain du sanctuaire en laissa fuir le divin sens, mais tel qu'en ses veilles divines le front du couronné d'épines s'illuminait en le parlant. Il y a là, ce semble, quelque peu de galimatia, et pas très orthodoxe. Une pièce magnifique dans ce volume, trop mélangée à tous égards, est la réponse aux adieux de Sir Walter Scott, parce qu'ici le poète est surtout poète. Un reproche encore que l'on peut et doit adresser trop souvent à Lamartine, c'est la vivacité de certaines images, la fougue de passion qui, dans tel ou tel morceau, fait explosion avec des accents fiévreux, témoigne les pièces à Elvire, ou ce fragment de Novissima Verba, commençant par les vers « Amour, être de l'être, amour, âme de l'âme, nul homme plus que moi ne vécut de ta flamme. » Pourtant ces vers se lisent dans le recueil des harmonies, qui, sauf quelques pièces, pour la pureté de l'inspiration, l'élévation des pensées, l'accent religieux, est assurément le meilleur du poète, quoique pour la perfection de la forme, le tome premier des méditations où se trouve la mort de Socrate semble supérieur. ce souffle profane, passionné, cette adoration de la créature s'exprimant dans une langue caressante, comme les chants de la sirène antique, rendent la lecture du grand poète dangereux parfois pour les jeunes gens et même pour d'autres, parce que cette ivresse, devenant contagieuse, tend à énerver les âmes. Aussi serait-il désirable que de tous les recueils on en fît un seul, composé de pièces de choix, des seuls chefs-d'œuvre dont la plus sévère morale n'aurait pas à s'effaroucher. Je chargerai du triage un père de famille chrétien, ou mieux encore une mère de famille intelligente, autant que pieuse, comme j'en connais plusieurs. Et quel volume on aurait alors, véritablement admirable, incomparable. Inutile d'ajouter qu'il n'emprunterait rien au poème fantastique de la chute d'un ange, pas plus qu'à Jocelyn, une œuvre remarquable souvent sans doute au point de vue de l'art, mais où se trouvent de regrettables inexactitudes et des témérités hétérodoxes qui ont fait mettre l'ouvrage à l'index. Comme prosateur, par la fécondité des pensées, l'éclat des images, l'ampleur de la période, Lamartine est aussi au premier rang. Mais dans ses meilleurs écrits, qui ne sont pas ceux de sa vieillesse, dans les Girondins, les Confidences, etc., il faut déplorer toujours ce mélange du bien et du mal, de l'ivraie et du bon grain, que nous avons eu le regret de signaler dans les œuvres poétiques. N'est-ce point dans le premier volume des Confidences que se trouvent certaines tirades philosophiques et politiques assez malsonnantes, aussi bien que le portrait de cet étrange curé de village, tout occupé de chasse, de chiens, de livres profanes, et que l'auteur nous présente avec un air de complaisance, peu s'en faut, comme un modèle. En tant qu'homme politique, on sait assez les erreurs et les fautes de Lamartine. Mais ces fautes et ces erreurs furent celles de son imagination, peut-être un peu de sa vanité, plus que de celle de son cœur. On doit lui tenir compte grandement de son énergie le jour où il nous sauvait, au péril de sa vie, l'affront du drapeau rouge, dont l'apparition triomphante devenait pour la société le signal des suprêmes catastrophes. Ce dont la postérité doit encore se souvenir, plus que ne l'ont fait les contemporains, c'est de son héroïque abnégation quand, dans une heure solennelle, en refusant de se séparer brusquement de son collègue au gouvernement provisoire, Ledru-Rollin, il empêchait le triomphe, autrement probable, de la faction des violents privés de son chef, et à laquelle on ôtait en même temps tout prétexte à l'insurrection. Lamartine ne pouvait se dissimuler que cette démarche, mal interprétée, lui coûterait sa popularité. Et il n'hésita point, à son éternel honneur, devant ce grand sacrifice, dicté par la conscience, et qu'il jugeait nécessaire au salut de la patrie. Mais connu en effet à cette époque, délaissé, outragé pour cet acte de magnanime dévouement, jamais il ne fut plus digne d'estime et d'admiration. Ce souvenir doit suffire pour lui faire pardonner ses erreurs précédentes, aussi bien que de ses malheureuses spéculations littéraires, et ses éternelles tentatives de souscription qui déconsidéraient sa vieillesse et que la presse, indignée, qualifia parfois dans des termes plus que sévères, vrais sans doute, mais que je me blâmerais de rappeler ici. La gloire efface tout, dirons-nous plutôt, avec le poète. On peut regretter d'ailleurs qu'il n'ait pas suivi le conseil que lui donnait, comme par un secret pressentiment, et bien des années auparavant, l'illustre Cuvier, lors de la réception de Lamartine à l'Académie française. Ce que des éditeurs empressés de satisfaire l'avidité du public nous ont dit sur les lacunes de vos derniers écrits aurait-il quelque fondement, et serait-ce pour des occupations d'un intérêt plus immédiat que vous négligeriez ces nobles productions de l'esprit? J'espère, pour l'honneur des lettres, qu'il n'en est rien. Chacun de nous a sans doute à remplir des devoirs respectables envers son prince et son pays. Mais ceux à qui le ciel a accordé l'heureux don du génie, le talent de dévoiler la nature, ou celui de parler au cœur, ont des devoirs qui, sans contrarier en rien les premiers, sont, j'ose le dire, d'un ordre tout autrement relevé. C'est à l'humanité entière, c'est aux siècles à venir qu'ils en doivent compte. Combien parmi ces personnages qui passent successivement au pouvoir, n'en est-il pas qui ont vu le bien qu'ils avaient fait ou projeté, dissipé comme un songe devant les projets non moins rapidement évanouis de leurs successeurs? Une vérité, au contraire. Une seule vérité découverte, un seul sentiment généreux, gravé par l'éloquence dans le cœur des hommes, contribuera pendant des siècles, et sans que rien puisse l'empêcher, au bien-être de générations innombrables, et portera le nom de son auteur jusqu'à la dernière postérité. Tout cela nous semble admirablement vrai. Ces paroles étaient prophétiques, non pas seulement pour l'auteur des Méditations, mais pour d'autres illustres, que la politique, en ce temps, a fourvoyés, Chateaubriand, Victor Hugo, etc. On sait qu'au lendemain de la mort de Lamartine, une souscription fut ouverte pour lui ériger une statue sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris. Mais depuis, paraît-il, par suite des événements sans doute, cette partie du programme a été modifiée, et la ville de Mâcon, bénéficiant de la souscription, verra dans ses murs s'élever le glorieux piédestal, non loin de l'humble village, terre natale du poète, et qu'il a rendu à jamais célèbre. C'est là, c'est à l'ombre du vieux sanctuaire, où une sainte mère conduisait Lamartine tout enfant, que sa cendre repose d'après le vœu le plus cher de son cœur, formulé, bien des années auparavant, dans cet admirable vers, « Ô Dieu de mon berceau, sois le Dieu de ma tombe !»